Yes, rock and roll has gotta be. If you don't dance, you'll pat your feet. Rock and roll in your seat. Old folks and the young all ought to have some fun. Vous êtes bien sur Radio Lézard dans l'émission Try Rock'n'Roll, l'émission qui vous fait écouter du vrai rock'n'roll. Alors heureux de vous retrouver pour cette 63e émission. Et là j'ai des invités. Cool. Ouais, je suis avec Nico à la manette. Ouais, t'as du monde autour de la table. Ouais, et j'ai des invités. J'ai Stéphane à côté de moi. Bonjour. Guitariste des Swindlers, entre autres. Et j'ai Léa, la fille de Stéphane. Bonjour. Ah, c'est cool, elle fait bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. On va y écouter une heure de rock'n'roll. Vous pouvez monter le son et danser. Et on va commencer par un groupe espagnol. C'est Anita All Night and the Mercury Trio. Night and the Mercury Trio, Main Train Boogie, et cet extrait de l'album Mercury Rising, sorti en début 2017 sur le label espagnol Sleazy Records. Allez, on va enchaîner avec un autre titre, un américain, c'est Josh Hi-Fi and the Rhythm Kings, Cajun Queen. Sweet to me. Well, be sweet, baby. honey be sweet to me. Well, you're my baby, you're my Cajun queen. Hell yeah. To my knees. Oh yeah. Well, I love my baby. She drives me to my knees. Well, I'll be her king, Lord, if she'll be my queen. Go again. C'était Josh Hi-Fi and the Rhythm Kings avec Cajun Queen, extrait de l'album Riding the Rails, paru en 2017 sur le label Wide Records. Allez, on va revenir en Europe avec un groupe belge. Je veux parler de monsieur Lawan Stark and the Sly Boppers, Fly Away. Oh sweet honey, sleep right now. Don't stay up cause I'm going out. Gonna have a beer, there's a party going on. I'm dancing to the beat of that crazy poppin' song. Well listen pretty baby, what I'm gonna say. Let's get crazy all the day. There she is with the new dress on. Come to me honey, I'm waiting so long. Well I'll pick her up and fly away. Up to heaven, that's the only good way. Well now we're here, we can't go back. That's no problem, go straight ahead. Found a way to the biggest moon. Land on the roof of a rustic saloon. You hear the beat of a good old song. It goes like this, well ding-a-ling dong. Well listen pretty baby, what I'm gonna say. Let's get crazy all the day. Lawan Stark and the Sly Boppers, Fly Away, extrait de l'album On the Run, paru sur le label Drunkabilly Records. Allez, on va traverser la Manche avec Monsieur Daryl Hyam et une petite reprise, Never Be Anywhere Else But You. Well, play a boogie, anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. Could take a mind, pick of all the girls I've ever known, then I'll come and pick you out to be my very own. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. That's true and belongs for you is all I have to give. All my love belongs to you as long as I may live. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. I never will forget the way you kiss me. And when we're not together, I wonder if you miss me. Because I and pray the day will come when you belong to me. Then I'm gonna prove to you how true my love can be. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. Never be anyone else but you par monsieur Darrell Hyam, et cet extrait de l'album Believe What You Heard sorti en 2004 sur le label Foottapping Records, et c'est la reprise d'un titre de monsieur Ricky Nelson paru en janvier 1959 sur le label Imperial. Allez, on va passer à un anglais qui vit en Espagne, il s'appelle, comment il s'appelle, Mac Sanchez, voilà, avec Fast Train. Mike Sanchez avec Fast Train, c'est tiré de l'album Blue Boy, un excellent album que j'ai acheté au Portugal d'ailleurs, paru en 2001 et autoproduit par Mike Sanchez himself. Là je voudrais faire un petit coucou à mon poteau Rico de l'équipe des Toxic Pinball, j'espère que t'es à l'écoute. Et là c'est un petit titre dédicacé pour toi, et c'est pas du rock'n'roll, c'est du rhythm and blues, et c'est monsieur Nico du Portal and his rhythm dude, So Sage. First you throw your hands up high, then you do the backward slide. Hook both knees, then you turn to your right, start to right. Grab your girl and let it go. Step back and step up two. Hook both knees, then you turn to your side and start to right. When you're not rocking, any old step will do. But when you start to rocking, Jack, let me tell you the step to do. First you throw your hands up high, then you do the backward slide. Buck above knees, then you turn to your right and start to rocking. Tell you the step to do. First you throw your hands up high, then you do the backward slide. Work above knees, then you turn to your right and start to run. Nico du Portal and his Rhythm Dude, le haut du panier Rhythm and Blues en France avec Sausage, titre paru sur l'album Meet Me in the Basement. Album autoproduit, maintenant très très rare trouvé, qui est sorti en 2009. Alors on va sauter du coq à l'âne avec un autre style qu'on affectionne, de la country on va dire. C'est The Countryside of Harmonica Sam avec Haven't I My Best. I cause a scene next time. Even on my good days, I could die. Almost always, and beyond no consolation, even at my best, I cry. depression. Even on my good days, I could die. Almost always, and beyond no consolation, even at my best, I cry. The Countryside of Harmonica Sam avec Heaven at My Best, extrait de l'excellent album A Drink After Midnight, sorti en 2017 sur le label espagnol El Toro Records. Allez, là, c'est un titre demandé par un de mes amis, Eric. Coucou, Eric, j'espère que tu m'entends. Avec un live enregistré par Monsieur Charlie Thompson. Et c'est extrait d'un concert qui a eu lieu en avril 2012 à Villeneuve-Saint-Georges. Et c'est Real Gone Daddy. But if you hear my horn just as soon as you're born, well, I'll be coming down the middle of the road. You gotta have a luck or a 10-ton truck if you should beat me down the line. And I'm a real gone daddy in a big yellow caddy every corner of the road is mine. Willing bad, headed for town when I click it about 7 feet. When along comes a daddy and another yellow caddy and he's heading right straight to me. Well, I think I'm tough and I'm a calling his bluff, but he's heading at a terrible race. Well, now I can see it, even he won't be the only trouble in a $2 lane. Don't have to get to what a terrible mess is what the family found on the scene. Folks gather round from all over town to just see what was left of my machine. Well, I hope you can discern it's a hard way to learn that the middle was a never done sight. But I'm a real stiff daddy in a big black caddy, head of all the one we ride. Oh! After learning them lyrics. Monsieur Charlie Thompson avec Real Gone Daddy, que vous pouvez retrouver sur l'album The Rockin' Side of Charlie Thompson. Alors là, c'est le moment. Ah, c'est mon moment? Ouais, ah, c'est le moment. Cool. C'est le moment? C'est ah, mon... non, attends, doo-wop. Ouais, le moment yeah, doo-wop. J'allais dire une connerie. Hein. Avec les Allemands des Crystallers, The Rule of Love. You've got to obey. The rules of love. Love. Les Crystallaires avec The Rule of Love, cet extrait de l'album The Yearly Year, ouais, paru sur le label Part Records en 2005. C'est bien le doo-wop ? T'aimes bien ? Non. On n'a pas hein entendu. J'ai pas... T'aimes bien ? Non. Tu préfères quoi ? Le rap. Allez. I rock and roll. L'agenda. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda ? C'est pas mal chargé quand même, hein ? Alors, on va commencer mercredi 14 à La Rochelle, à l'Asile. Il y a mes amis les Pathfinder, je vous embrasse. Au Balladio à Paris, rue de Lappe, il y a une soirée rock'n'roll animée par Marty et Miss D. Le jeudi 15 à Biarritz, dans les Pays Basques, hein, à la Trieuse, il y a les Red Hot Naples. À Quimper, dans le Finistère, au pub Saint-Andrew, il y a les Ducky Jim Trio. Toujours le jeudi 15 mars, à Besançon, dans le Doubs, au bar de Lu, il y a les Hillbillies. À Grenoble, en Isère, à la Belle Électrique, il y a Monsieur Beausaigne. On passe au vendredi 16 mars, à Niort, on va dire, dans les deux c'est sûr. Au restaurant chez Arnold, il y a les Customers. À Château-Thierry, dans l'Aisne, au Bacchus, il y a Jim and the Beam. À Dijon, en Côte d'Or, au bar Le Brighton, il y a les Hillbillies. À Flyatt, c'est dans la Creuse. Au Café de l'Espace, il y a encore, mes amis, les Pathfinders. À Bouguenay, en Loire-Atlantique, au White Shelter, il y a les Barfly. Je te salue. Manolo. À Vannes, dans le Morbihan, au Bali Café Lounge, il y a les Dockabillies. À Cross, c'est dans le Cher, au bar Le Crossois, il y a Earl and the Overtone. À Venice, dans le Tarn, chez Tip Top, il y a Seb and the Fine Hot Fishers. Et je salue Louis, le batteur du groupe, un jeune qui assure vraiment. Au Lila, c'est en Seine-Saint-Denis, au Triton, c'est 11 bis rue du Coq Français, il y a Nico du Portal and his Rhythm and Dude. Si vous êtes dans le coin, allez voir ce concert, c'est sympa. Hein. Le samedi 17, à la Gaude, dans les Alpes-Maritimes, à la Séquinière, il y a Eddie Ray Cooper. À Chaland, en Vendée, au Twist Diner, il y a les Customers. À Saint-Gorgon, alors il y a une soirée concert, c'est dans le Morbihan, à la salle des fêtes, il y a Johnny Knife and the Reapers, le Million Dollar Sunrise, The Rotten Rockers, Charlie Roy Trio, les Riot Rockin' Ted. À Beauvais, dans l'Oise, toujours le samedi 17 mars, il y a Jack Calypso and his Red Hot, et c'est au Zinc Bleu que ça se passe. À Riom, dans le Puy-de-Dôme, au caveau des Tontons, il y a les Hillbillies, toujours le samedi 17. À Lagny-sur-Marne, c'est à côté de chez nous, salut. Au local des Lunners, c'est 5 rue Fraissinet, dans la zone industrielle, il y a les King Baker Combo. À Spiker, dans le Nord, je connaissais pas Spiker du tout, hein, c'est dans le Nord, c'est une ville du Nord, voilà. À la brasserie Le Rétro, il y a les Crappy Coyotes. À Toulouse, en Haute-Garonne, con, au Follow Me, oh, tu vas y aller, Nico, hein, il y a les Nashville 50s. Et le concert du samedi à ne pas louper, si vous êtes dans le Doubs, à Audincourt, à la salle Moloko. En première partie de Guanabat, c'est un groupe phare du Psychobilly, il y a Eddie and the Head Start. Et je voulais signaler, que les 16, 17 et 18 mars à Calafell en Espagne, il y a la Rocking Hillbilly Weekenders. Et je vous en parle parce que le samedi, il y a Shorty Tom and the Longshot, un trio français très sympa. Mais le vendredi, il y a Lynette Morgan and the Blackwater Valley Boy, putain, ils ont des noms à rallonge, hein. Il y a I'm the Honky Tonk Man, un Johnny Horton tribute. Le samedi, avec Shorty Tom and the Long Shot, il y a Los Locos del West, c'est un groupe espagnol. Il y a également Slim Sandy and the Hillbilly Boppers. Et il y a les Los Volidos, un groupe que j'adore, qui est super sympa. Il y a également les Fly Cat Trio et Glenn Doran and the Prairie Echo. Et c'est fini pour l'agenda. Dis donc, tu vas vers d'eau ? Non, ça va aller, ça va aller. Franchement, tu peux pas me dire, le rock'n'roll, il est pas mort, hein, avec sa propre. Non, il est pas mort du tout. Et là, on va passer un petit titre pour mon poteau Bopin P. Salut Pascal. C'est Monsieur Barnes Whitfield and the Savage Miss Shave Hits. When the music start and it go round and round like a yo-yo. Miss Shave Shave it all night long. She's 5 foot 4, weighing 430. matter what I'm just a mistake. Bounce with Feel and the Savage, Miss Shake It, extrait de l'album Bounce with Feel and the Savage, sorti en 84, mais réédité en 2010. Allez, là, c'est un titre pour toi, Poupoune. C'est un peu plus calme. C'est Monsieur Pep Torres avec The First Million Tears. C'est du rap. They say the first million tears are the hardest to cry, and after a million, your tears will start to dry. Ah, since you left me broken hearted, I feel like I ought to get started, 'cause it's just begun. I'm just on tier number one. They say the first million nights are the loneliest of all. So baby, let me tell you, tonight my tears will fall. Well now I feel like I'm dying. I feel like I ought to be crying, 'cause it's just begun, and I'm just on tier number one. Just on tier number one. Million Tears. Monsieur Pepper Tice avec First Million Tears, c'est paru sur l'excellent album Hide Hint Rocket Science, sorti en 2004 sur le label Hollywood Vintage. Allez, on va changer de style, toujours du rock'n'roll, c'est Be and Bop avec Weekend. Monday to Friday, all week long, working at a slave, he keeps treating me wrong. By the Friday comes, I gotta have my fun. Keep me close, talk till the Saturday start. Always Sunday, all I do is sleep. Weekend comes around, only once a week. Yeah! But yeah, it's gonna spin and I'm on a roll. Weekend, I wish it never ends. Hold my aching terror man. Monday through Friday, all week long, working at a slave, he keeps doing me wrong. But a Friday comes, I'm gonna have my fun. Keep me going strong till the Saturday's done. All day Sunday, all I do is sleep. Weekend comes around only once a week. One more! Slaving keeps doing me wrong. By the Friday comes, I'm gonna have my fun. Keep me going strong till the Saturday's done. All day Sunday, all I do is sleep. Weekend comes around only once a week. Weekend comes around only once a week. Weekend comes around only once a week. Be and the Bop avec Weekend, extrait de l'album Whole Triangle Up, sorti en 2015 sur le label Rhythm Bomb Records. On va enchaîner avec les High Jivers, Knee High and Rising. High Jiver avec Knee High and Rising, c'est sorti sur l'album The High Jiver, paru en 2016 sur le label Wild Records. Allez, on va partir en Australie avec Monsieur Rusty Pinto et Gonna Leave This Town. Gotta leave this town, ain't hanging around, ain't gonna see me no more. Cause every place I go and every place I see leads me to our memories. And those memories of you and me won't let my mind free. We done painted the town red, now it's turning black. I sure ain't coming back. I gotta leave the town, and I sure won't be turning around. Mama said, son, what you running from? Life is like a double-ended gun. You may run here, you may run there. Bad luck is everywhere. You gotta be a man, you gotta be strong, thick like everyone can. I done paint the town red, now it's turning black. I sure ain't coming back. Mama gonna leave the town, and I sure won't be turning around. Leave this town, I ain't hanging around. You ain't gonna see me no more. Cause every place I go and every place I see leads me to our memories. Those memories of you and me won't let my mind free. We done painted the town red, now it's turned to black. I sure ain't coming back. Babe, I gotta leave the town, and I sure turn around. Girl, I gotta leave this town, and I sure Rusty Pinto avec Gonna Leave This Town, extrait de l'album Preston Rockabilly Volume 4, ou fort, un album partagé entre Rusty Pinto et Pat Cappucci. Allez, on va faire un petit tour au Portugal avec Miss Rubian et King of My Heart. Of your finger tips and cherries. other when the night gets cold. Ruby Anne avec King of My Heart, extrait de l'album Train to Satanville, paru en 2007 sur le label Wild Records. Allez, on va faire un petit coucou au Ghost Highway avec voilà, une chanson, une petite bise à fil. C'est Monsieur Dick Dickerson and the Modern Sound, Snatch It and Grab It. Snatch it and grab it, y'all. Your feet. I know my love for you's complete, but there's another way down the street. You gotta hurry if you want my love, baby. Snatch it and grab it if you want it. Snatch it and grab it if you want it. Snatch it and grab it if you want it. It's thinking of my heart. Cause I'm gonna wait or hesitate and let my love grow cold. I will wait around for you till I'm grand. Speaking of Joel Patterson. Allez, Rockabilly Story. Alors, l'artiste dont nous allons parler ce soir n'est pas vraiment un inconnu, car dans sa carrière, il aura vendu plus de 85 millions d'albums. 147 de ses chansons seront classées dans les meilleures ventes aux États-Unis. Il est un peu connu qu'aux États-Unis en fait, hein. Et 28 se classeront numéro 1 des charts country. Il est avec le chanteur George Jones. Voilà, l'un des plus connus. chanteur de la country music, et je veux parler de monsieur Eddie Arnold. Alors monsieur Eddie Arnold est né en 1918 à Henderson dans le Tennessee. Son père jouait du fiddle, c'est un petit violon, et sa mère de la guitare. À 11 ans, il perd son père, ce qui l'oblige à aider à la ferme familiale, ce qui lui a valu le surnom de Tennessee Plowboy. À l'âge de 16 ans, il se produit régulièrement pour des shows radiophoniques et en 1944, il signe un contrat pour le label RCA avec le colonel Tom Parker, le futur agent d'Elvis Presley. Son dixième single sorti en 45 sera un hit et se classera numéro 5 des charts. Pendant 10 ans, les succès s'enchaîneront avec 57 titres classés parmi les 10 premiers du top. Il jouera dans des films, aura son propre show télé et, profitant de la vague rock'n'roll, il enregistre en avril 56 The Rocking Mockingbird, que nous allons écouter maintenant. I've just heard the rockin' mockingbird. I've just heard the rockin' mockingbird. Instead of this birdie singing sweet, he rocks his songs with a crazy beat. He goes boot, doot, boot. Mockingbird rocks you till your soul is really stirred. The birds nest up in treetops, but he builds his nest in the record shops. He goes hoot, doot, hoot, doot. He rips along with every song he digs on the radio. Swings, he flaps his wings and tries to say go, go, go. Glad I heard the rockin' mockingbird. Glad I heard the rockin' mockingbird. Really did thrill my heart and soul to hear that bird sing a rock and roll. He went hoot, doot, hoot, hoot, hoot. He goes hoot, hoot, hoot, hoot, hoot, hoot. He rips along with every song he digs on the radio. And when one swings, he flaps his wings and tries to say go, go, go. Glad I heard the rockin' mockingbird. Glad I heard the rockin' mockingbird. Really did thrill my heart and soul to hear that bird sing a rock and roll. He went hoot, doot, doot, hoot, doot. Eddie Arnold avec Rocking Mockingbird. Alors à 80 ans, en 1998, il annonce sa retraite. Vous vous rendez compte, il est né en 1918, hein. Et il décède en 2008 à Nashville à l'aube de ses 90 ans. Mais revenons en avril 58, je crois que les 8, il lui porte chance. On va écouter un de ses titres de cette année-là, c'est Pick a Chick. Started in a hen house down on the farm. The chickens, they were pecking around the barn. A couple of kids were watching how they carried on. And that is how the dance they call the pick a chick was born. You do a hop, skip, a hop, step. Pick a chick and do a hop, skip, a hop, step. Move your feet just like a rooster and a hen. You clap your wings and then you peck a peck a peck a peck a chick. Seen woodpeckers pecking up in a tree, and Peter Piper picked a peck of peppers for me. But the only pecking that I'd like to do is pecking on your cheek when I go dancing with you. You do a hop, step, a hop, step. Peck a cheek and do a hop, step, a hop, step. Move your feet just like a rooster and a hen. You flap your wings and then you peck a peck a peck a peck a cheek. So if you're in a barnyard in Idaho, or if you're on a dance floor in Buffalo, you better learn to peck a cheek and learn it now. Or they'll call you a spirit if you declare you don't know how. You do a hop, step, a hop, step. Peck a cheek and do a hop, step, a hop, step. Move your feet just like a rooster and a hen. You clap your wings and then Eddie Arnold avec Pick a Chick. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Google, vous tapez Eddie Arnold et il a une page Wikipédia en français. Bon, celle en américain est un peu plus fournie. Allez, je vais faire mes coucous avant à l'habituel, avant qu'on se sépare. Je vais faire coucou JP et les clients de sa boutique JP's Original Shop à Tours. Béa au 3B, j'embrasse aussi DJ Rockin' Cats, Rockin' Lolo, Joss Doumé, Yann, un big up à Ray de Valence, con, à Bopin P, le Parisien, à Christelle, on t'embrasse fort, Steph. Hein. Ouais, un petit bisou. Un petit bisou. Je vais pas embrasser fort mon frangin parce qu'il est à côté de moi. J'embrasse Eddie et Maria et je vous dis à la semaine prochaine. Couvrez-vous bien. On va se quitter avec Nick Curran and the Low Life et Rocker. Allez, je voulais embrasser mon ami Nico, The Rockin' Good Biz, Nico! Yes, rock and roll has gotta be. If you don't dance, you'll patch your feet. Rock and roll, and you'll see. Old folks and the young all ought to have some fun.